Les nouveaux chemins de la connaissance, Raphaël Antoven, bonsoir. Et bonsoir Jean Lebrun, et bonsoir à tous. Hey, you know what? C'est le début ce lundi d'une semaine qu'en plein hiver, les nouveaux chemins de la connaissance ont choisi de consacrer à la question sans réponse ni répit de la mélancolie. Pourquoi vous parler de mélancolie? Ce serait en un sens trahir un tel sujet que d'en donner la raison. À l'image de Cioran, qui tenait les déboires administratifs pour l'unique motif recevable de suicide, une série de cercles majestueux est au petit caillou qui les a provoqués, un effet plus vaste que ce qu'il engendre, une porte entrebâillée qui déploie un univers, une cause perdue. De fait, à ce titre, peut-être peut-on dire que la mélancolie paradoxalement ressemble à la joie. Tout comme l'homme joyeux, dit Clément Rosset, est incapable de dire le motif de sa joie et la nature de sait préciser le motif de sa tristesse, ni la nature de ce qui lui manque. Mais, précise aussitôt le philosophe, la différence fondamentale entre le vague romantique et le vague joyeux est que le premier échoue à faire le tour de ce qui est. Demain, nous évoquerons Pessoa. Après-demain, Cioran, puis le travail de Patrick Barberton. Mais aujourd'hui, tout de suite, peut-être le meilleur pour le début, c'est de Proust que nous allons parler en compagnie de Jean-Yves Tadier, biographe, spécialiste de Proust, qui a notamment dirigé en 1987 dans la bibliothèque de la Pléiade, et Maëlle Renoir, qui enseigne la philosophie à l'école normale, où il a notamment organisé la journée d'études intitulée « Proust dans l'œil des philosophes ». Que le jour est l'heure. Un pâle fantôme de la maison d'en face continuait indéfiniment à aquareller sur le ciel sa blancheur persistante. Il faisait nuit dans l'appartement. Je me cognais aux meubles de l'antichambre. Mais dans la porte de l'escalier, au milieu du noir que je croyais total, était translucide et bleu, d'un bleu de fleurs, d'un bleu d'ailes d'insectes, d'un bleu qui m'eût semblé beau, si coupant comme un acier, un coup suprême que, dans sa cruauté infatigable, me portait encore le jour. L'obscurité comblait. Mais alors, il suffisait d'une étoile vue à côté de l'arbre de la cour pour me rappeler nos départs en voiture après le dîner pour les bois de Chantepie. Ah, quand la nuit finirait-elle? Mais à la première fraîcheur de l'aube, je frissonnais. Car celle-ci était où, de Balbec à Incarville, d'Incarville à Balbec, nous nous étions tant de fois reconduits l'un l'autre jusqu'au petit jour. Je n'avais plus espoir bien plus déchirant qu'une crainte. C'était d'oublier Albertine. They say into your early life romance came. And in this heart of your flame, a flame that flickered one day and died away. Bonjour Jean-Yves Tadier, bonjour Maëlle Renoir. Bonjour. Bonjour, un grand bienvenue sur France Culture au nouveau chemin de la connaissance pour inaugurer cette semaine sur la mélancolie. Un extrait d'Albertine disparue. Rappelons rapidement que, à cet instant-là de la recherche du temps perdu, Albertine, la fiancée du narrateur, est morte. Il a appris Albertine disparue, raconte le deuil de cet homme. Peut-on dire, en un sens, c'est peut-être un peu sommaire de le réduire à ça, mais que l'affect de mélancolie... Oui, probablement, à condition de le prendre aux sens larges, parce que... Albertine disparue est le récit du deuil par excellence, puisque l'effort du narrateur pour se guérir de la mort de la femme qu'il aimait et les différentes étapes de l'oubli, ce qui évoque immédiatement pour tout le monde l'oubli. Mais bien sûr, on peut aussi se demander s'il n'y a pas des deuils antérieurs, comme le montre la scène du baiser de la mère à Combray. C'est une scène archi-connue, mais voilà, rappelons-la. L'enfant attend que sa mère vienne l'embrasser tous les soirs, et ce soir-là, comme il y a des invités, en principe, elle ne devrait pas monter. Hérie de chagrin, de douleur, et finalement, elle montera. Mais le remède est pire que le mal, nous explique Proust, puisqu'en fait, il remonte son héros, ne se guérira jamais de cette maladie mystérieuse, qui est probablement la mélancolie, et qu'on va retrouver très liée à l'amour, qui était même, depuis Aristote, et puis chez Homère, chez Euripide, il y a une forme de mélancolie qui est la mélancolie originelle, c'est-à-dire la mélancolie amoureuse. Les Grecs nous parlaient de mélancolie amoureuse, et nous avons une résurgence extraordinaire dans la Recherche du Temps Perdu de cette mélancolie amoureuse antique. Alors, il faut rappeler, Jean-Yves Tadié, que l'épisode que vous mentionnez, qui se trouve dans du côté de chez Swann, l'épisode du baiser né à l'enfant ce soir-là, car il y a un dîner à la maison, tragédie, l'épilogue de cet épisode est heureux, puisque l'enfant décide, au péril de sa vie quasiment, attendre sa mère dans l'escalier, saisi d'un élan de générosité, dit à la mère, mais enfin ce petit souffre trop, reste donc avec lui. Ce que vous dites rappelle, ça permet d'ailleurs de la parution du journal de deuil de Roland Barthes, qui revient justement, ou qui raconte en 300 fiches son propre deuil, la perte de sa propre mère. Et le 31 juillet dit ceci, ça tient en une ligne, j'habite mon chagrin et cela me rend heureux. Est-ce que, Maëlle Renoir, on pourrait dire de cette phrase de Barthes, quelle est la formule de la mélancolie? Ben, si on sera forcé de préférer le deuil à la mélancolie et d'avoir une conception qu'on pourrait dire un peu le trait sinistre de la mélancolie. Alors, à peu près au même moment que le texte de Freud, mais dans le texte de Freud, il est bien clair que la mélancolie est définie comme l'impossibilité du deuil, c'est-à-dire l'impossibilité de cicatriser la perte de l'objet. Et chez ceux qui lui succèdent, amène à considérer que le sujet mélancolique est poussé aux portes de la mort par son affection. Qu'on pourrait dire de guérison thérapeutique. Hein. Alors, dans Albertine disparue, et je reviendrai après sur le texte de Roland Barthes, dans Albertine disparue, ce qui est très frappant, c'est que dans la première page, elle va partir deux fois, en quelque sorte. Elle est déjà morte, d'une certaine manière. Oui. Mais il ne le sait pas encore. Oui, exactement. Sa seule douleur provient de son départ. Ouverte apparaît, ce qui est très frappant parce que chez Freud on voit ça aussi. Donc on commence peut-être par une situation de mélancolie, mais au fond les choses sont sans doute plus complexes que la dichotomie entre les deux. Ce que peut-être la transformation de ce qui a d'abord été mélancolie en deuil, et peut-être aussi à mon sens, si l'on veut redonner à la mélancolie une richesse que Freud a peut-être tendance à lui ôter, la mélancolie retine avec la réminiscence, parce que si l'on est simplement dans le deuil, comment peut-on jouir de la réminiscence et du retour. C'est là que les choses le problème n'est pas seulement l'absence, mais le fait que l'absence se double du souvenir. De sorte que il y a dans ce texte à la fin du texte, enfin on la coupe plus déchirant qu'une crainte, l'espoir. Alors déjà le paradoxe c'est que l'espoir est plus déchirant que la crainte, et l'espoir en question c'est d'oublier Albertine, ce qui peut être perçu. Or, ici, ce qui rend le narrateur mélancolique, c'est d'une certaine façon le sentiment qu'il va guérir de la douleur qui est la sienne. Jean-Yves Tadié. Oui, c'est aussi de sa correspondance. Lorsqu'il voit partir un de ses amis très chers, il ajoute « Et le pire, c'est que je vous oublierai ». C'est épouvantable. De la même façon, oui, mais cette mélancolie, elle est vécue par Proust au moment même de l'amour. L'autre n'a pas besoin de mourir pour nous rendre mélancoliques, puisque Swann, par exemple, est amoureux d'Odette, mais dans l'amour qu'il éprouve, la certitude de cesser de l'aimer un jour. Et c'est ça qui le rend mélancolique. Toute la tradition de la mélancolie le présente comme le plus ambigu des affects. C'est l'affect de l'ambiguïté même de nos sentiments à l'égard de nous-mêmes ou à l'égard de ceux qui nous entourent ou du monde, si vous voulez, du temps qui passe. Alors c'est pour ça que justement le discours littéraire par rapport au discours psychanalytique, au discours médical sur la mélancolie en général dans toute sa tradition, s'empare de cette ambiguïté, alors que le discours psychanalytique non plus univoque comme elle apparaît dans la poésie, comme elle apparaissait déjà d'ailleurs dans le texte antique d'Aristote. Et chez Proust, vous avez, enfin, la formule de la mélancolie, c'est l'oxymore, le dit Victor Hugo, mais le soleil noir, c'est aussi un oxymore encore plus beau, encore plus énigmatique d'une certaine façon. Et chez Proust, l'idée d'une composition entre joie et le nom de cela, au fond, on peut considérer que c'est la mélancolie, et Proust lui-même assume cette dénomination. Je savais que je l'oublierais un jour. J'avais bien oublié Gilberte, Madame de Guermantes. C'est notre plus juste et plus cruel châtiment de l'oubli si total, paisible comme ceux des cimetières par quoi nous nous sommes détachés de ceux que nous n'aimons plus, que nous entrevoyons ce même oubli comme encore. À vrai dire, nous savons qu'il est un état non douloureux, un état d'indifférence. Mais ne pouvant penser à la fois à ce que j'étais et à ce que je serais, je pensais à reste de baisers, de sommeils amis, dont il faudrait bientôt me laisser dépouiller pour jamais. En que tu te souviennes, cette chanson était la tienne, et je crois qu'elle est de Prévert et Cosma. Et chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'Andonne, mais leur chanson est monotone. Et peu à peine, à cela il n'est rien à faire. Car chaque fois, les invités des Nouveaux Chemins de la Connaissance pour commencer une semaine qu'on consacre à la question de la mélancolie, et c'est de Proust aujourd'hui que nous parlons. Je voudrais revenir avec vous deux sur la phrase « Sans penser à la fois ce que j'étais, à ce que j'étais et à ce que je serais », je pensais avec désespoir à tout ce tégument de caresses, cette enveloppe de caresses, de baisers, de sommeils amis, dont il faudrait bientôt me laisser dépouiller. Mélancolie vient du fait que c'est l'amoureux présent qui envisage la possibilité de ne plus aimer, mais comme il n'arrive pas à se séparer de son état présent, il croit qu'il est en... Que c'est ça le paradoxe et la douleur d'un chagrin à venir, Jean-Yves Tadier. Il y a sûrement un sentiment de perte. Il y a deux mélancolies, finalement, dans La Chaleur de perdu. Il y a la mélancolie dont on raconte l'histoire en 3000 pages, est un mélancolique par nature, pour une raison qui resterait déterminée, blessure initiale, conflit avec la mère, etc. Et d'autre part, et ces épisodes mélancoliques, médicalement observables, sont liés aux crises amoureuses. Elles peuvent concerner Swann aussi bien d'ailleurs, et plus particulièrement un ingénieur d'amour, peut-être un sentiment de perte originelle, et puis il y a le sentiment de perte de telle femme aimée et que le narrateur voit disparaître. Et puis il y a la perte de la perte. Comme vous l'avez noté, c'est l'idée qu'il envisager a la perte de la perte à l'instant où il aime, justement. Exactement. Où il aime encore. Donc ce sont des sentiments très complexes que d'ailleurs la littérature française, depuis le XVIe siècle, s'est toujours fait. Oui, chez Morisset, oui. Aussi bien que chez Racine, ou pour citer un auteur cher à notre président de la République, le prince de Clèves, qui meurt de jalousie lui aussi. Maël Renoir. En perdu, on a effectivement le sentiment que le narrateur n'est jamais entièrement à son présent, que ce soit dès le début ou évidemment dans le temps retrouvé, ou mode d'être hors de son présent, si l'on veut. Alors effectivement, on peut sans doute considérer qu'il y a au fond plusieurs formes de la mélancolie dans la recherche, et une parenté à ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui plus trivialement des épisodes dépressifs. Dépressifs, oui. Mais des épisodes de plénitude mélancolique où l'on retrouve plutôt la tradition lyrique. Épisodes. Alors, est-ce que c'est par exemple, vous avez parlé du temps retrouvé, est-ce que ce moment, cette matinée chez la princesse de Guermantes où le narrateur retrouve tous ces visages familiers, elle est devenue blanche, là où la danseuse était gracile, elle est devenue une grosse dame qui encombre le passage, bref, tous ces êtres qui portent les stigmates du temps, est-ce qu'on cette plénitude de la mélancolie où le devenir artiste du narrateur commence à prendre forme, ou bien est-ce qu'on est davantage dans l'épisode dépressif d'un homme qui constate que tout le monde a vieilli et que donc lui aussi. On est entre les deux. Le terme de mélancolie apparaît dans le lexique du bal de tête, puisque c'est comme ça qu'on appelle cet épisode terminal. À un moment, le narrateur rencontre une hôtesse, enfin, qui lui dit « Ah, mais comment faites-vous? Vous avez l'air encore si jeune. » Et le narrateur dit « Mais voilà typiquement une phrase mélancolique, puisqu'elle dit dès lors qu'on apparaît jeune en apparence. Oui, c'est une blague anglaise. Vous connaissez la différence entre good looking et looking good. Vous la connaissez pas, 40 ans. Renoir et Jean-Yves Tadier, cette conversation sur la mélancolie, vous avez parlé du rapport que le narrateur entretenait avec son présent. Eh bien, voici justement un extrait d'Albertine Dispdeuil, qu'il essaye d'assumer, ou qu'en tout cas il explore, et qui lui, ce parcours, donc parcours de son deuil, qui lui sert de cure, un passage dans lequel le narrateur demande l'heure à Françoise. Voici ce que dit ce texte. Je demandais l'heure à Françoise. 6 heures. Enfin, Dieu merci, allez disparaître, je me plaignais avec Albertine, et que nous aimions tant. La journée prenait fin, mais qu'est-ce que j'y gagnais? C'était le coucher du soleil. Dans ma mémoire, au bout d'une route que nous prenions ensemble pour rentrer, j'apercevais plus loin que le dernier station, distante, inaccessible pour le soir même où nous nous arrêterions à Balbec, toujours ensemble. Ensemble, maintenant il fallait s'arrêter court devant ce même abîme. Elle était morte. Ce n'était plus assez de fermer les rideaux. Je tâchais de... pour ne pas voir cette bande orangée du couchant, pour ne pas entendre ces invisibles oiseaux qui se répondaient d'un arbre à l'autre de chaque côté de moi. Celle qui maintenant était morte. Je tâchais d'éviter ces sensations que donne l'humidité des feuilles dans le soir, la montée, la descente. Mais déjà ces sensations m'avaient ressaisi, ramené assez loin du moment actuel, afin que tout le recul, tout l'élan nécessaire pour me frapper de nouveau... Ah, jamais je n'entrerai plus dans une forêt. Je ne me promènerai plus entre des arbres. Mais serait-elle moins cruelle? À la recherche du temps perdu est également un livre sur l'espace, ou l'espace impossible, Jean-Yves Tadier. Ici, qu'il soit dans la forêt ou dans les grandes plaines, littéralement. Oui, parce que la morte est encore vivante. Elle n'est pas encore oubliée, et ce qui fait souffrir, c'est sa présence absente. Ensuite... on a parlé tout à l'heure, on a évoqué la mélancolie du temps qui passe et du vieillissement. C'est aussi un autre aspect de la mélancolie chez Proust, mais elle a une solution, qui est la solution finie, c'est-à-dire le temps retrouvé grâce à l'œuvre d'art. Donc, on peut dire que pour lui, la mélancolie du temps est guérissable, celle de la perte de l'être aimé, comme on le voit dans les lettres bouleversantes, n'est pas. Elle ne l'est pas, sauf par l'oubli, qui d'ailleurs n'est pas un véritable oubli. C'est une présence douce, une présence qui ne fait plus souffrir. C'est à ce moment à effectuer son parcours. Alors, l'espace lui-même est peut-être facteur de mélancolie chez Proust, parce que tout changement est une souffrance dans la chambre. Tout le monde connaît dans la lombe des jeunes filles en fleurs l'arrivée dans une chambre nouvelle, comme d'ailleurs dans le côté de Guermantes, la chambre à l'ancienne. À ce moment-là, le narrateur éprouve une crise d'angoisse, de mélancolie. Est-ce donc, la nouveauté qui l'accable, ou est-ce le souvenir ou la juxtaposition de ce qui est irrémédiablement nouveau et du souvenir de ce qui n'est plus? Tout à la fois. Mais il y a aussi un sentiment de claustrophobie, très probablement une sorte de névrose claustrophobique, qui fait qu'être enfermé dans une chambre, on ne peut plus sortir, le fait horriblement souffrir, et de l'inconscient. Est-ce que la mélancolie, vous avez parlé de claustrophobie, hein, donc on est chez Proust, hein, dépressif et claustrophobe, mais enfin immense, l'immense Marcel Proust, cette claustrophobie, on la retrouve cette fois-ci bien à cette idée, jamais je n'entrerai plus dans une forêt, je ne me promènerai plus entre des arbres, mais les grandes plaines me seraient-elles moins cruelles? En somme, il est enfermé partout. Maël Renoir. C'est aussi un des grands thèmes de la recherche. Sa subjectivité sera à la fois ce qui l'enclôt pendant un certain temps, mais c'est aussi de là qu'il trouvera les ressources de sa, en particulier dans l'exploration des phénomènes intenses proposés par sa mémoire. Alors, allons un instant avec toutes les précautions qui conviennent vers là. On sait que il serait ambitieux et faux d'ailleurs de reporter sur le narrateur de la recherche tous les épisodes de la vie de Proust et réciproquement. D'ailleurs, Proust co-narrateur de la recherche du temps perdu. Mais néanmoins, rappelons un instant peut-être une indication bibliographique que la perte d'Albertine correspond, Jean-Yves Tadens, de Proust. Oui, c'est la métamorphose ou la transfiguration l'émotion de la perte du jeune homme qu'il avait passionnément aimé, dont il disait que Agostinelli. Agostinelli, la personne qu'il avait. Donc, on comprend que cette perte le bouleverse. La rédaction d'Albertine disparue est contemporaine de cette perte? Oui, oui, il y a un premier jet qui a lieu aussitôt après. Il faut ajouter, d'ailleurs, on le voit par des, ce deuil si cruel dure 3 mois. C'est, alors que les souffrances qui lui sont imposées par la mort de sa mère durent presque 2 heures, mais il s'en est, je veux dire, 3 mois, c'est horrible, mais il s'en est tout de même consolé, il l'avoue, Reynaldo Hahn, un peu plus tard, assez vite. Et peut-être que, justement, l'écriture a la cure. Mais on retrouve absolument tous les épisodes d'Albertine disparue sont vrais. Simplement, Agostinelli est mort en accident d'avion et c'est assez minime et le lieu même n'est plus la Côte d'Azur mais devient la Touraine. Ce sont de petites modifications. Pour le reste, l'écriture a dû à la guérison. Alors pour aller dans le pour creuser peut-être cette différence entre l'affection médicale, hein, l'épisode dépressif proprement dépressif de la mélancolie et le deuil, pour creuser cette différence, on peut aussi rappeler que, selon Proust d'ailleurs, les seules affections véritablement incurables sont les douleurs physiologiques. Appelées d'ailleurs les douleurs morales, ou en tout cas les peines de cœur, elles sont curables. Est-ce qu'on peut dire ça, Maël Renoir? Ben, en fait, si on prend La recherche du temps perdu dans son ensemble, moi ce qui me frappe, c'est que c'est un roman où toutes les expériences qu'il a désiré parcourir, par exemple, vous prenez à l'ombre des jeunes filles en fleurs, ça raconte l'histoire de son amitié avec Saint-Lô, profondément connaître et éventuellement profiter de ses entrées mondaines. Et cet épisode se termine par le reflux, en quelque sorte, d'Edgar Guermantes, où il parvient à ses fins mondaines, et puis, à la fin du livre, il se rend compte que finalement tout cela est un peu vain. Vous avez ensuite l'expérience amoureuse, avec tout l'épisode avec Hume, et au fond, à la fin au début d'Albertine disparue, nous sommes effectivement encore dans la douleur très forte provoquée par la perte de l'objet aimé, mais à la fin du livre, quand même, Ça finit par la victoire de l'habitude sur la douleur amoureuse. Et à la fin, si on prend le premier volume de La recherche nous avons un sujet, un narrateur qui est allé au bout d'un certain nombre d'expériences qu'il a épuisées et qui, au fond, le laisse dans un état qu'on pourrait assumer de chacune de ces choses. Il a tenté une révélation de l'entrée dans un salon. Il a tenté une révélation de la vie amoureuse. Et il est donc dans un état qu'on pourrait appeler, en quelque sorte, il est passé à travers la vie. Et c'est à ce moment-là que, alors qu'il ne croit plus à grand-chose, au fond, qu'il ne croit même plus à ses talents littéraires, hein, c'est le passage où il dit « arbre, vous qui n'avez aucun sentiment intense devant un paysage », c'est à ce moment-là que, dans le dernier épisode, au fond, par la grâce d'un hasard, le goût est la clé de l'écriture. Cellar door. I love you, baby. Can I have some more? Ooh, each time. I hit the city and I lost my band. I watched the needing gone, the damage done. Dans les chemins de la connaissance, on l'a choisi parce que la mélodie est bizarrement plutôt enlevée, plutôt joyeuse, et il parle de l'addiction à l'héroïne et de ses aiguilles qui enlèvent les hommes. Le sorti est plus joyeuse. Alors on pourrait prendre d'ailleurs un autre exemple de ça, Carmen par exemple, qui raconte une histoire épouvantable avec une mélodie enlevée, joyeuse, au possible, dont on a tendance d'ailleurs à faire qu'on a tendance à tenir pour un auteur un peu triste. Il y a cette idée qu'il formule des gens sans deuil, donc avant la recherche, c'est que nous ne savons pas les voir. Et il dit de la gaieté qu'elle est l'élément fondamental de toute chose. C'est étonnant ce rapport qu'il entretient avec la gaieté. Est-ce que la gaieté lui clôt Albertine disparue, ou bien de cette aptitude qu'il a à comprendre ce qu'il éprouve, selon vous, Jean-Yves Tadier? Je crois d'abord que Proust est un de nos grands auteurs comiques. Lui-même adorait rire, était connu pour sa drôlerie, et il aimait beaucoup lire à ses amis, qui venaient au pied de son lit, les passages comiques de son œuvre. Je serais même une question de savoir s'il était lui un vrai mélancolique. Je crois qu'il pouvait avoir des accès de mélancolie liés à la maladie. On a vu qu'il était dépressif, claustrophobe, on aurait pu dire qu'il était asthmatique. Non, son narrateur. Oui. Il faut soigneusement tout de même distinguer son personnage, qui est tout pas dépressif en réalité. Il était malheureux quand il était malade, et il était malheureux en amour assez fréquemment. Mais quant au reste, ce n'était pas un grand neurasthénique. Au contraire, une œuvre, il peut peindre la mélancolie, c'est une autre question. Et en même temps, bien entendu, la mélancolie peut aussi, néanmoins, avoir des liens avec le mot d'esprit, avec l'esprit, avec le sourire, avec tous ces éléments qui contribuent avec la gaieté. C'est l'alliance de la mélancolie et de la gaieté qui est difficile à comprendre et qui est pourtant essentielle à comprendre. Je crois que c'est essentiel chez les grands comiques. On l'a souvent montré à propos de Molière, par exemple, et on y reviendra fréquemment dans l'histoire du comique. Comment Maël Renoir, selon une forme de gaieté, par quel le biais? Comment ça se passe? En fait, je dirais plutôt l'inverse, c'est que c'est la gaieté qui pourrait déboucher sur une forme de mélancolie, au sens où la mélancolie serait l'affect le plus, je l'appellerais une sorte d'affect de second degré, auquel on atteint en passant de l'autre côté d'un affect, disons, plus univoque. Mais il est évident que aigu et par conséquent énigmatique, proprement, partie liée au comique, à la gaieté. Pensez par exemple à Charlie Chaplin, je crois que c'est Jean Kelevichou. Oui, effectivement. Il parlait de la mélancolie de Charlot, il trouvait ça formidable. Oui, en effet, vous avez raison, oui, tout à fait. Mais alors, sur cette question quand même prenons par exemple peut-être les pages les plus drôles de La Recherche du Temps Perdu, mettons le début d'Un amour de Swann, moment où il raconte le petit cercle, le petit clan des Verdurin, le fumeuse du docteur Cotard, l'hystérie de Sidonie Verdurin qui se cache le visage dès qu'elle de rire, Monsieur Verdurin, tous les signes que Proust décèle au début d'Un amour de Swann et qui font de ces pages les plus puissamment drôles probablement de la recherche. Est-ce qu'on peut parler là de mélancolie? Non, pas du tout. Je ne le crois pas. On peut en trouver dans d'autres moments où il ne s'agit plus de satire. Là, c'est un comique. La mélancolie peut avoir un lien avec l'humour lorsqu'il s'agit de s'impliquer soi-même. Dans une sorte de description où à la fois on se décrit, on prend sa distance, on se décrit hétérodoxe, ce que fait assez souvent le narrateur d'ailleurs, et ce que peut faire Proust lui-même aussi dans ses lettres. Alors là, c'est différent. Mais il n'y a pas de mélancolie du tout dans la satire. La satire est là une sorte de joie complète. Et est-ce qu'on peut considérer, Maël Renoir, que la mélancolie chez Proust relève de l'ordre de la nostalgie? Au sens où, de même que la douleur de ne plus aimer, finalement, ou serait la douleur même d'avoir un jour à ne plus aimer, la nostalgie serait la douleur de savoir que, quand bien même on en reviendrait au lieu dont celui qu'on rêve. Je pense que Proust n'est pas du tout nostalgique, et que même au contraire, il nous aide beaucoup à penser une certaine représentation de notre rapport au souvenir, à la mémoire, tendance à le qualifier précisément de mélancolique. Au sens où je ne crois pas que Proust désire revenir en quelque point que ce soit du temps antérieur. On ne cesse de le faire. Non, je crois que la plénitude du souvenir est tellement forte que il n'est pas besoin de revenir à l'état originaire. Ce n'est pas du tout un auteur du désir d'origine. Par exemple, quand il dit que les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus, on peut évidemment l'entendre d'une manière un peu élégiaque, mais à mon avis, ça veut dire tout simplement que la vérité ne se révèle pas, la vérité toujours a posteriori. Et par conséquent, il y a plus dans le souvenir que dans le moment présent. Et c'est cela qu'il comprend à la fin, justement. C'est pour ça qu'il a peut-être des moments de nostalgie. Encore, je n'en suis même pas si sûr. Est-ce qu'on peut pas parler de nostalgie? On est d'accord, mais est-ce qu'on peut pas parler de nostalgie quand même, quand quand l'ensemble des paysages qu'il avait l'habitude de parcourir par son absence. Oui, mais encore une fois, à mon sens, ce n'est qu'un moment, et c'est un moment qui est, c'est une formidable machine dialectique, hein, si, en un sens, la recherche de temps perdu. C'est un moment qui, par ce qui arrive dans le temps retrouvé, c'est-à-dire la, précisément retrouvé, la, c'est-à-dire la fin, compréhension de ce que il y a plus. Les vraies aubépines sont les aubépines du passé, comme il te dit. Alors les aubépines auxquelles vous faites référence sont les aubépines qui masquent et montrent en même temps le visage de la jeune Gilberte d'une promenade. Oui, effectivement, c'est le paysage de l'enfance à Combray au printemps où la campagne est en fleurs. Alors restons justement dans la campagne et dans les sous-bois et restons dans Albertine, disparaît extrait toujours lu par Judith Magre, un extrait dans lequel on entend à la fois, si j'ose dire, les yeux de la mémoire, le charme de mélancolie et l'oubli qui continue à faire en lui des progrès. Bois, tendu d'une gaze chaque jour abinci, le souvenir d'une promenade où Albertine était à côté de moi dans la voie où je sentais qu'elle enveloppait ma vie, flottait maintenant autour de moi, dans la brume incertaine des branches assombries au milieu desquelles le soleil couchant faisait briller comme l'horizontalité clairsemée des feuillages d'or. D'ailleurs, je tressaillais de moment en moment, comme tous ceux pour lesquels une idée fixe et la ressemblance, l'identité possible avec celle à qui on pense. C'est peut-être elle. On se retourne, continue à avancer, et on ne revient pas en arrière. Ces feuillages, je ne me contentais pas de les voir avec les yeux de la mémoire. C'est comme ces pages purement descriptives au milieu desquelles un artiste, pour les rendre plus complètes, introduit une fiction, tout un roman. Et cette nature qui pouvait aller jusqu'à mon cœur. La raison de ce charme me parut être que j'aimais toujours autant Albertine, tandis que l'oubli continuait à faire en moi des progrès. Que le souvenir d'Albertine ne m'était plus cruel. Mais nous avons beau voir clair dans nos impressions, comme je crus alors voir clair dans la raison de ma mélancolie, nous ne savons pas remonter. Comme ces malaises dont le médecin écoute son malade lui raconter l'histoire et à l'aide desquels il remonte à une cause plus profonde, ignorée du patient. De même, n'ont qu'une valeur de symptôme. Ma jalousie, étant tenue à l'écart par l'impression de charme et de douce tristesse que je ressentais, riait. Des nouveaux chemins de la connaissance ce lundi pour évoquer la question de la mélancolie chez Proust, et c'est de mélancolie que nous vous parlerons toute la semaine, chers auditeurs. On parlera de Pessoa, de Cioran, de Patrick Dant, mais aujourd'hui de Proust. Une question, Jean-Yves Tadier, que signifie le narrateur quand il parle de ce charme de mélancolie? Au sens précis, c'est assez clair, le charme n'est possible parce que l'oubli fait déjà son œuvre. Et la mélancolie est possible aussi parce que la mort est encore présente. On est à mi-chemin entre Albertine et le plaisir retrouvé lorsqu'elle sera oubliée. Mais on peut l'élargir, car il y a un mot allemand pour décrire le plaisir de souffrir, qui probablement imprègne un peu masochiste. Mais il y a constamment, en même temps, dans la recherche, cette façon qu'il a de surmonter la douleur, c'est de la convertir en métaphore. Noir mentionnait les aubépines, hein. Il y a aussi les trois arbres du Diménil, les clochers de Martinville, autant d'épisodes chez Proust où, dans la recherche du temps perdu, où le narrateur sent la densité d'une métaphore pour surmonter tout simplement le fait qu'il s'estompe. Maëlle Renoir. Oui, alors dans le texte qu'on vient d'entendre, qui est un très très beau texte, je vois trois choses en rapport à la mélancolie. Il y a d'une part la définition comme tristesse douce, donc comme sentiment ambigu, énigmatique. Vous avez aussi la référence, enfin je crois me souvenir, hein, de la passante, une femme qui passe et dont on se demande si c'est motif baudelairien, me semble-t-il. Oui, à une passante, au toi que j'eusse aimé. Voilà. C'est pas exactement la même situation, mais il y a quand même une image assez prégnante qui rappelle Baudelaire. Dans le même passage que nous avons entendu, il est question du roman. Et si je me souviens bien, si j'ai bien compris, d'un moment de l'existence par le sentiment du romanesque qui l'entoure. Et enfin, je pense que c'est une des grandes entreprises du narrateur et de l'écrivain dans l'arche. Comment dire, d'enrober dans la substance romanesque les épisodes de son existence de telle manière, effectivement, je crois, échappe de ce qui nous enferme dans le présent. Vous avez mentionné, Maëlle Renoir, un épisode baudelairien. Peut-être peut-on dire, d'ailleurs, que de tous les maîtres de Baudelaire, hein, peut-être Aristote, Montaigne, mais Baudelaire. Parmi les quatre versions que Baudelaire donne de son spleen, de sa bile noire à lui, hein, de sa mélancolie, qui n'est pas celle qu'on connaît le plus, peut-être indûment, dans laquelle Baudelaire dit « J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans ». Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, de vers, de billets doux, de procès, de romances, cache moins de secrets que mon triste cerveau. Est-ce que Proust, quoiqu'il ne soit pas nostalgique, pourrait reprendre à son compte cette même pour le caveau d'une mémoire millénaire? Je ne crois pas. Il me semble que Proust, c'est plutôt le contraire. Il y a des moments de mémoire involontaire ou affective chez Baudelaire, bien sûr, mais c'est pas celui-là. N'est pas du tout un thème proustien. Au contraire, ce qu'il déplorait, c'est plutôt le vide. Là, nous avons le trop-plein qui peut faire souffrir immensément. On a décrit la souffrance « rien oublié ». Je me rappelle le grand historien de l'art, Franco Zeri, à qui Bernard Pivot faisait compliment de ce qu'il se souvenait de chaque détail, et tout à coup, son visage est devenu tragique. Mais il y a aussi une nouvelle de Borges dont le titre m'échappe, d'ailleurs, nos auditeurs érudits. Funès ou la mémoire, voilà. Exactement le même cas, oui. Donc, c'est-à-dire, c'est l'histoire d'un homme qui se souvient même de la forme des... Mais du coup, il est incapable de se tenir dans l'existence. Et il ne peut pas penser. Alors, pour penser, on ne pense bien, et on imagine bien, surtout qu'on est artiste, que ce qui est absent. Et donc, de même que Debussy compose la mer en Bourgogne, de même, Proust pratique aussi cette absence. Au contraire, ses souvenirs écrasent le héros baudelairien. Il n'écrase heureusement pas. Voir une chose, à quoi tient chez Proust de temps en temps cette incorporation, littéralement, hein, de la mélancolie? Cette façon qu'il a de corporiser la mélancolie. Il parle d'Odette, d'Odette de Crécy, Odette Swann, dont il parle la cernure de ses yeux, les cernures de ses yeux, les phalanges de ses mains, dont il voit le il parle des yeux de la duchesse de Guermantes, qui était distrait et un peu mélancolique. Cette façon qu'il a d'accoler la mélancolie au physique de ces personnages. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Physique, la mélancolie, puisque les penseurs antiques l'attribuent à l'humeur noire. On met fin à cette explication au moment de l'adéquat de la circulation du sang, en gros, mais le terme reste utilisé. Donc, c'est un problème passionnant, puisque justement, ce que nous décrit plus, c'est la conversion hystérique d'une émotion ou d'une passion en phénomène, par exemple, maladif, ou simplement par une... clé, c'est pas celui de conversion, justement. Est-ce que de tous les mécanismes de conversion, du passage du temps en éternité artistique, ou bien de souffrance, et par là même en romanesque, est-ce que cette finalement le mot clé de la recherche, ça n'est pas celui de conversion, Maëlle Renoir? Ce que vous dites me fait penser à un passage où le narrateur écoute la sonate de Vinteuil, Swann l'ayant déjà évidemment pour sa part écouté dans des épisodes antérieurs. Donc ça, c'est l'épisode où Odette elle-même joue la sonate. Odette le rejoue lorsqu'elle invite à dîner, je crois, et qui essaye de percer le secret de la musique. Et il dit, je crois, il évoque la mélancolie de tout ce qui se réalise dans le temps, donc à la manière de la recherche du temps perdu, qui elle-même se réalise par excellence dans le temps. C'est comme un petit miroir qui tend une mise en abîme au grand roman tout entier. Et si je me souviens bien, en évoquant la similitude de ces choses qui se réalisent dans le temps à la vie elle-même. Et au fond, il me semble que ramener cette mélancolie proustienne à quelque chose d'extrêmement fondamental, on retrouverait l'ambition d'exprimer la vie dans sa totalité. Le médium, pour revenir à ce que vous disiez, la conversion de l'existence En matière romanesque, par le biais du souvenir. Au fond, enfin, à moi aussi, il y a des épisodes épiphaniques, enfin, entre guillemets, de mémoire involontaire, mais en réalité, surgissement d'un souvenir. On ne peut pas les dissocier de la reconstruction romanesque dans leur profondeur. On remarque quand on lit, par exemple, Les plaisirs et les jours, que Proust parle beaucoup de mélancolie, mais d'une même la chose qui l'intéresse. En fond, il dit la mélancolie, comme on dirait, l'indicible ou l'ineffable. Et un de ses grands progrès, si j'ose le dire ainsi, dans la carrière littéraire, ça va être de déplier, y trouver au fond, à l'intérieur, quelque chose d'aussi vaste que la vie elle-même et que son roman. D'être venu nous parler de la mélancolie chez Proust. C'est en compagnie de la mélancolie que nous allons passer cette semaine dans les nouveaux chemins de la connaissance. La mélancolie nous accompagne. On a commencé, demain nous parlerons de Pessoa. Jean-Yves Tadier, je rappelle que vous avez notamment, entre autres, un site internet pour les indications bibliographiques plus précises, mais vous avez dirigé l'édition de La recherche du temps perdu, parue dans la Pléiade en 87-88, ainsi que l'édition Quarto. Maël Renoir, c'est sous votre égide qu'avait été organisé un colloque intitulé Proust dans l'œil des philosophes à l'École normale supérieure. Et je signale également que de Joseph Conrad, donc chez Rivage, une nouvelle magnifique, un avant-poste du progrès. Demain, je recevrai Robert Bresson et Pessoa, donc de l'intranquillité chez Pessoa. À la lecture des textes, un grand merci. Et toute la semaine, c'est Judith Magre. À la technique aujourd'hui, Ariane Herbé. À la réalisation, Christine Diger. Assistante, Geneviève et Laetitia Cordonnier. France Culture, il est 17h50. Tout de suite, Albert Jacquard. Grâce aux techniques, Tanrec a pu maintenir sa continuité. Mais en réalité, amis auditeurs, je suis resté durant 3 semaines absent de France pour un voyage qui va certainement alimenter les réflexions. J'ai eu en effet la chance d'être invité par l'Alliance française pour faire une tournée de conférences aux États-Unis. L'occasion en était fournie par la parution intitulée « Mon Utopie ». Son objectif est de proposer une nouvelle façon d'organiser l'humanité et d'ailleurs de nombreux thèmes ont déjà été traités dans ses chroniques. La diffusion de notre langue, notamment par la mise à disposition d'un enseignement du français et par l'organisation de conférences. Lorsque les services de l'ambassade de France à Washington, divers, mais composés essentiellement d'enseignants et de lycéens, dans un circuit passant par San Francisco, San Diego, Dallas, Washington, New York, et même avec l'aide d'amis, québécois, j'ai complété ce circuit par des rencontres organisées dans les universités de Montréal et de Québec. Et la tête emplie d'images qui ont été recueillies dans cette Amérique du Nord, qui est utilisée constamment comme référence lorsque nous cherchons à juger le comportement de notre propre pays. Images accumulées sans plan durant 3 semaines sont nécessairement partielles, dispersées, incohérentes. Elles ne donnent qu'une vision très superficielle des conclusions globales. Elles ne sont que des coups de projecteur isolés. Cependant, quelques convergences s'imposent. Impossible, par exemple, de ne pas constater en Amérique du véritable despote qui règne sur ce demi-continent, la voiture. Les humains semblent, dès qu'ils se hasardent hors de leur bâtiment, s'empresser de soul. Ainsi, ma première surprise, en me promenant dans la capitale, Washington, a été de n'y pas rencontrer de piétons. Les avenues sont larges, les arbres dans les rues, mais ces trottoirs sont vides. Un cas plus extrême encore est présenté par Dallas, au Texas, où les autoroutes pénètrent partout dans la ville, la ville n'existe plus. Seuls subsistent d'immenses centres commerciaux, entourés chacun de non moins immenses parkings. À cause de ces parkings, les distances d'un centre que la voiture est nécessaire pour les atteindre. Et le cercle vicieux se referme. L'usage de la voiture est rendu nécessaire en raison des distances qui sont elles-mêmes générées par l'action d'y revenir. À retrouver sur Radio France. Demain sur France Inter. L'invité du 7-10. Retrouvez chaque jour l'invité de Nicolas Demorand. Des interviews sans a priori et sans concession. À retrouver dès 8h20. En savoir plus, franceinter.com. Et demain sur France Bleu à 12h30. France Bleu Midi. En direct du carnaval de Nice, Élodie Suigo et Denis Farou recevront Lionel Calobisco, Florent Pagny et Hallyday père et fils. Plus d'infos, francebleu.com. Et demain sur France Culture à 18h30. Du grain à moudre. Julie Clarini et Brice Couturier animeront un débat sur le thème pour nourrir la planète. En compagnie de Michel Barnier, ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Et Bruno Parmentier, auteur de Nourrir l'humanité, les grands problèmes de l'agriculture mondiale au 21e siècle. En savoir plus. France. Radio France. On ne se quitte plus. France Culture présente les 100 plus beaux films de l'histoire du cinéma, une rétrospective organisée par les écrans de Paris. Beware of false prophets. Une occasion unique de revoir ces chefs-d'œuvre, Wells, Chaplin, René, Hitchcock, Renoir, Almodovar, Lynch, Antonioni, Kubrick. Les 100 plus beaux films de l'histoire du cinéma au Reflet Médicis et 2009, un événement France Culture. Chaque soir de la semaine,